بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة ونبدأ اليوم بابا جديدا. On commence aujourd'hui un nouveau sous-chapitre وهو باب الجمع بين الصلاتين في الصلاة et donc في السفر. On commence aujourd'hui un nouveau chapitre qui est le sous-chapitre concernant le fait de regrouper deux prières durant le voyage. Le sous-chapitre concernant le fait de regrouper deux prières durant le voyage. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عقب هذا الباب باب القصر أو باب قصر الصلاة في السفر. Et après ce sous-chapitre, l'auteur il cite un autre sous-chapitre qui est le sous-chapitre concernant le fait de raccourcir la prière durant le voyage. وفي هذين البابين ما يذكرنا بتيسير هذه الشريعة. Il y a dans ces deux chapitres ce qui nous rappelle le fait que cette législation a été facilitée. فالله تبارك وتعالى أوجب علينا أمورا مراعيا أحوال عباده وحاجاتهم. Allah تبارك وتعالى il nous a rendu obligatoire certains actes. Et Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous a rendu obligatoire ces actes, il a pris en compte la situation de ses serviteurs ainsi que leurs besoins. فَيَسَّرَ لَنَا الْقِيَامَ بِهَذِهِ الْعِبَادَاتِ. Alors il nous a facilité l'accomplissement de ces adorations. أَمَّا بَابَ الْجَمْعِ فِي الصَّلَاتِ أو جمع الصلاة الجمع بين الصلاتين في السفر. En ce qui concerne le chapitre concernant le fait de rassembler deux prières durant le voyage, فقد ذكر فيه المؤلف حديثا واحدا فحسب. L'auteur il a cité dans ce sous-chapitre un seul hadith. وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على الظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. Et donc c'est le hadith d'Ibn Abbas رضي الله عنهما qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم durant le voyage il rassemblait entre la prière du dhuhr et la prière du asr lorsqu'il se déplaçait. Zahra Seir, ils disent les ulema, c'est pendant le déplacement. C'est-à-dire, c'est pas il s'est arrêté à un endroit pour donc rester un peu et ensuite repartir. Non, c'est pendant le déplacement, il priait, il rassemblait les deux prières. On va voir, Inch'Allah, la divergence par rapport à ça. Inch'Allah, ta'ala, la suite du hadith. Et il rassemblait aussi entre El Maghreb et El Isha. Comme le Shuru'i. في تعليقي أو في التعليق على هذا الحديث هناك مسألة أحببت ذكرها. Avant de commencer à commenter ce hadith, il y a un sujet que j'aimerais commenter, que j'aimerais citer, inshallah ta'ala. وهو أن وجوب حضور الجماعة لا يسقط بالسفر. L'obligation, le caractère obligatoire d'assister, de participer à la prière commune ne tombe pas à cause du voyage. Cette annulation, cette obligation ne s'annule pas à cause du voyage. كثيرٌ من الناس يظنون أنهم إذا سافروا فلا يجب عليهم حضور صلاة الجماعة. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils voyagent, ils pensent qu'il ne leur est pas obligatoire de participer à la prière commune. أيها الإخوة الأدلة على وجوب حضور صلاة الجماعة أدلة عامة. Mes frères, il faut savoir que les preuves qui montrent qu'il est obligatoire de participer à la prière commune sont des preuves générales. فتبقى هذه النصوص على عمومها. Alors ces textes doivent rester, doivent garder leur caractère général jusqu'à preuve du contraire. فالرجل إن سافر يحضر الجماعة. L'individu lorsqu'il voyage, il va participer à la prière commune. إلا إن كان في سفره وصل إلى مكان المساجد بعيدة فحينئذ lahu an yusalliya bi mufradihi. Mais si l'individu il est pendant son voyage à un endroit où les mosquées sont loin, c'est difficile, ou alors il a peur de rater son train ou autre, à ce moment-là, il n'y a pas de mal à ce qu'il prie seul. Mais sans excuse, non, la prière commune reste, garde son caractère obligatoire. Ça, c'est très important, comme l'a dit l'imam Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Wali yu'lam anna salata ibadatun yushtaratu fiha an-niyyah. Et donc, il est important de savoir que la prière est un acte d'adoration et qu'il nécessite, il est obligatoire qu'on ait l'intention lorsqu'on accomplit cet acte. Amma al-jam'a fa hal yushtaratu fihi an-niyyah. En ce qui concerne al-jam'a, le fait de regrouper deux prières, est-ce qu'il nécessite d'avoir l'intention de faire le jam'a? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir l'intention de faire le jam'a? Le jam, c'est une adoration. Le fait de rassembler deux prières, c'est un acte d'adoration. Est-ce qu'il faut avoir l'intention ou pas? Oui. C'est pour ça que les ulémas, ils disent, fermu su'al nusul jawab. La compréhension de la question, c'est la moitié de la réponse. Qu'est-ce qui est voulu par l'intention ici? L'intention, lorsqu'on veut rassembler deux prières. Les ulémas disent, ce qui est voulu ici, أن يكون الشخص ينوي الجمع قبل الشروع في الصلاة الأولى. Ce qui est voulu par l'intention, c'est que la personne ait l'intention de regrouper deux prières avant de commencer la première prière. Exemple, on arrive à la mosquée, il neige, ou il y a beaucoup de vent, il neige beaucoup, on commence à prier Dhuhr, ou alors le Maghreb, comme on est là, on prie le Maghreb, et après la salat, lorsqu'on a fini, Yassine, il regarde, il ouvre la fenêtre, il fait aller frère, franchement là, il neige vraiment beaucoup. Il neige vraiment beaucoup. Venez, on fait le jam'a. Parce qu'on va dire, ouais, mais on n'avait pas l'intention lorsqu'on a commencé. Les ulémas, ils disent, là, yushtarat. Ils disent, c'est pas une condition. Il se peut qu'on prie, on accomplit une prière, pendant qu'on prie, il se passe quelque chose qui fait qu'on voit qu'après cela, il nous est nécessaire de rassembler entre les deux prières. À ce moment-là, on rassemble, inshallah ta'ala, comme l'a dit l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et il n'y a pas du tout de mal en cela. ثم ينبغي أن يعلم أن أهل العلم أجمعوا على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة. Et donc, premièrement, concernant ce sujet, le fait de regrouper deux prières, il faut savoir que les savants sont unanimes. Ils sont unanimes sur le fait qu'il est légiféré de rassembler entre Dhuhr et l'Asr à Arafah et entre Maghreb et l'Isha à Muzdalifa. Ça, c'est pendant les manasiks du Hajj. وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ مَشْرُعِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصُّبْحِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ. Et aussi, ils sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas permis de rassembler entre la prière du Subh et une autre prière. Je ne vais pas dire je suis en voyage, je rassemble entre Isha et Fajr. C'est interdit. Ils sont unanimes. وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ مَشْرُعِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَصَرِ وَالْمَغْرِبِ. Ils sont unanimes sur le fait qu'il est interdit de rassembler deux prières qui sont Al-Asr, Al-Maghrib, c'est interdit. Les frères, lorsqu'on voit ce sujet-là, on voit un point important quand même. Il faut qu'on le prenne en compte parce qu'on a ce problème ici dans nos pays. Nos frères qui vont aller au travail, qui vont après à la fin de la journée, bon alors, il y a combien de prières à rattraper, mashallah. Donc, Dhuhr, alhamdoulilah, j'ai pu faire Dhuhr à la pause. Maintenant, il faut Asr, Maghrib, Isha. Asr, Maghrib, Isha. Et c'est parti, il commence. Il rassemble toutes ses prières à la fin du travail. La yajouz, c'est interdit. C'est interdit, ta prière, elle est caduque. Elle est caduque, ta prière. C'est important, les frères. Ici, lorsqu'on voit ce hadith-là, que le prophète, il l'a fait pendant le voyage, entre Dhuhr et Asr, et entre Maghrib et Isha, il faut qu'on comprenne bien que les frères, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été rendue obligatoire aux croyants à des moments définis. On ne peut pas venir échanger Shahada comme on veut. Tu viens et on fait comme les chrétiens, non, c'est difficile, allez, on change un peu. On change la religion à chaque fois. Non. Les prières ont des moments définis. Nous devons respecter ces moments-là. Il me reste 5 minutes. On continue ou on remporte à demain? Continue. Est-ce qu'il y a une personne qui a quelque chose à faire après ça? Ou alors, qui habite assez loin par rapport au couvre-feu? Ah non, 17h. Le couvre-feu, excusez-moi. Je suis rentré en France hier, désolé. Donc, il y a le temps pour le couvre-feu. Personne n'a rien à faire après Salat, tayyib. Donc, alors, on finit. ثم اختلف أهل العلم في الأسباب الأخرى كالسفر. Ensuite, les savants, ils ont divergé concernant les autres causes. Les causes permettant de rassembler entre deux prières. Parmi ces causes, il y a le voyage. فقال الجماهير بجواز الجمع في السفر مستدلين بحديث ابن عباس. Et donc, la grande majorité des savants, ils voient qu'il est permis de rassembler, de réunir deux prières durant le voyage. Et ils se sont appuyés sur le hadith d'Ibn Abbas qu'on voit aujourd'hui. Ibn Abbas qui nous dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam yajma'u, qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safari yajma'u bain al-dhuhri wal-'asr idha kana ala dhuhri sayrin. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en voyage, rassemblait entre dhuhr et l'asr, lorsqu'il se déplaçait, wa yajma'u bain al-maghrib wal-'isha, il rassemblait entre le maghrib et l'isha. Hadha al-hadith sarih. Ce hadith, il est clair, montrant qu'il est légiféré de rassembler entre dhuhr et l'asr, et entre maghrib et l'isha. Wa dhahaba al-imam Abu Hanifa ila anna al-jam'a la yushra'u fi as-safar illa fi Arafa wal Muzdalifa. Abu Hanifa, il voit qu'il est interdit de faire al-jam'a. Cela n'est pas légiféré, sauf à Muzdalifa et à Arafa pour le Hajj. En dehors de cela, non. Vous allez me dire, Tab Abdel Karim, le hadith. Abu Hanifa, il connaissait le hadith. On va vous dire, les Ahnaf, al-Ahnaf, awwalu hadhihi al-ahadith. Al-ahadith allati fiha al-jam'a bayna as-salatayn fi as-safar awwaluha. Et donc les Ahnaf, ils ont interprété tous les hadiths qui parlent du fait de réunir entre deux prières durant le voyage. فقالوا المراد بهذه الأحاديث هو الجمع الصوري. Ils disent ce qui est voulu par ces hadiths, c'est le regroupement apparent. Le fait de regrouper entre deux prières de façon apparente. C'est-à-dire, أنت تؤخر الظهر دون أن تخرج الصلاة من وقتها. تؤخر الظهر وتقدم العصر دون أن تخرج العصر من وقتها. فتصلي الظهر في وقته. Et donc ils disent, ce qui est voulu par là, c'est le fait que tu vas retarder la prière de Dhuhr sans faire la prière sortir de son temps. Tu vas avancer la prière du Asar sans faire la prière sortir de son temps. Et tu vas faire les deux prières, chacune dans son temps, mais les deux rapprochées. Ils disent, c'est ce qui est voulu par les Ahadith, donc qui citent le Jam, le fait de rassembler entre deux prières. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجماهير. L'avis le plus juste dans ce sujet, c'est l'avis de la grande majorité des savants, qu'il est permis de rassembler entre deux prières durant le voyage. ذلك لأمور. أولا أن هذه الأحاديث صريحة وعامة. C'est que ces hadiths là, ils sont clairs et ils sont généraux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait entre dhuhr et l'asr fi safar, durant le voyage. N'importe quel voyage, il n'y a pas précisé Muzdalifa ou Arafa. C'est n'importe quel voyage. Et concernant le fait que c'est un jam souri, que c'est un rassemblement apparent, il faut ramener une preuve à cela. Il n'y a pas de texte qui montre cela. Et donc, on reste sur le caractère général, le fait qu'on rassemble la prière à n'importe quel moment, que ce soit durant le temps de la première prière ou durant le temps de la deuxième prière. Deuxièmement, Amr al-Muhim, ma huwa al-maqsoud bil-jam'a. Qu'est-ce qui est voulu par le fait de rassembler entre deux prières? Wa taysir. C'est le fait de faciliter les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fala utalabna min an-nas an yu'akhkhir adh-dhuhr wa yuqaddim al-'asr fi as-safar. Fa hadha fihi jalb mashaqqa. Si on demande aux gens de retarder la prière du dhuhr sans faire autant, sans faire la prière sortir de son temps, et d'avancer la prière du asr sans faire la prière sortir de son temps, à ce moment-là, on entraîne une difficulté aux gens. On met les gens dans une difficulté, alors qu'ils sont en voyage. Ce qui est voulu par le fait de rassembler le voyage, la prière, c'est de faciliter les gens. Comme on le voit souvent, particulièrement à notre époque, tu prends l'avion, tu sais que tu ne vas pas pouvoir prier dans l'avion. Et donc, tu vas faire le jam avant le voyage ou après le voyage, etc. Mais si on te dit non, c'est obligatoire que la prière, tu ne la fais pas sortir de son temps. Indek, tu es dans l'avion, dhor, la fin du dhor, c'est à telle heure lorsque tu vas arriver à telle distance à peu près de l'arrivée, et le asar aussi. Et donc, c'est une difficulté. On met les gens dans une difficulté. Et donc, on a contredit ce qui est voulu du jam, le fait de réunir deux prières. Et on va continuer l'explication de ce hadith, inshallah ta'ala, demain. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.